Alors que l'on pensait l'empoisonnement relégué aux archives d'un passé obscur fait d'intrigues et de bagues à chatons creux, la récente affaire de l'ex-agent secret russe manifestement empoisonné avec sa fille en Grande-Bretagne montre que si la nature des poisons a changé, la pratique, quoique moins fréquente qu'aux grandes heures de la Renaissance, reste malgré tout d'actualité. L'histoire des poisons est aussi ancienne que celle de l'homme. Des premières flèches enduites pour la chasse à l'élimination politique, à chaque époque, à chaque civilisation, à chaque utilisation, son propre poison, jusqu'à ce insidieux que nous continuons à ingérer, à respirer chaque jour à notre insu. Poison, une histoire toxique, c'est le vénéneux problème dont nous allons nous saisir prudemment, évidemment, dans l'heure qui vient. Bienvenue dans le Métascientifique. Et pour nous raconter cette histoire aussi toxique que fascinante, et certainement fascinante parce que toxique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Francine Marano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université Paris Diderot, membre du Haut Conseil de la Santé publique et présidente d'honneur de la Société française de santé et environnement, co-auteur avec Robert Barouki et Denise Mirou de Toxique, point d'interrogation. C'est édité par Buchet-Chastel. Bonjour Éric Birlouet. Bonjour. Éric Birlouez. Vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation, auteur d'une histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, et des empoisonneuses aussi, comme on le verra. C'est aux éditions Ouest France. Et puis il y a cette exposition jusqu'au 13 avril au musée, au très beau musée des Confluences à Lyon, exposition Venenum, un monde empoisonné, à laquelle nous vous invitons d'aller jeter un œil si vous êtes dans la région lyonnaise ou vous y passez. Et pour finir cette introduction qui n'en finit pas, vous pouvez toujours nous suivre comme chaque jour, en plus des ondes de France Culture, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Ceci étant dit, êtes-vous surpris l'un et l'autre de cette affaire d'empoisonnement sur fond d'espionnage en Grande-Bretagne? On avait tendance, hein, comme je le disais à l'instant, à reléguer l'empoisonnement au passé, Francine Marano. Pas franchement. En fait, l'utilisation de cette substance toxique, hein, de la famille des Novichok, c'est la suite de tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, puis ensuite dans la Seconde Guerre mondiale et à travers les guerres du Moyen-Orient, où on voit que l'utilisation de gaz toxique comme arme chimique continue. Il y a même eu des attentats avec ce type d'armes, puisque le sarin fait partie de cette famille. En fait, c'est vraisemblablement la substance en question, d'après ce qu'on peut en savoir à travers la presse, c'est en fait un gaz une substance neurotoxique, comme l'est le gaz sarin, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, en fait, on a l'impression que l'empoisonnement a disparu parce qu'on se figure l'empoisonnement comme ce que je racontais, la grandeur de la Renaissance avec les bagues à chatons creux et des empoisonnements individuels. Or, finalement, ce qui se passe en Syrie, c'est ni plus ni moins de l'empoisonnement à grande échelle. Éric Birlouez. Oui, absolument. En fait, l'usage, comme vous l'avez dit, n'a pas disparu. C'est la nature des poisons qui a complètement changé. Au début, les premiers poisons étaient quasi exclusivement des poisons végétaux. Et puis ensuite, on a eu, à partir de la Renaissance, l'utilisation d'éléments minéraux, animaux également. Et puis, on le voit aujourd'hui avec tout à fait autre chose. Mais l'idée est toujours la même. C'est-à-dire que le poison, c'est l'arme du crime parfait. En tout cas, le poison idéal, qui ne laisse pas de traces, qui n'est pas détectable par la future victime ou par son entourage, et qui peut laisser penser à une mort naturelle, ce qui laisse le temps de disparaître. Oui, sinon qu'actuellement, on a des moyens de voir les effets du poison. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de cet empoisonnement en Grande-Bretagne, puisque ces poisons neurotoxiques, on sait très précisément leur cible. Il s'agit d'inhibiteurs d'une enzyme qu'on appelle la choline estérase, et qui, en fait, cette enzyme va agir sur la transmission de certains de nos neuromédiateurs. Donc, et en fait, c'est à travers cette inhibition qu'on connaît très bien, et que se fait l'empoisonnement. Et ça, on sait le détecter. Ce qu'on va voir au cours de cette heure, ce qui a évidemment notoirement changé, Eric Bien-Louès, c'est que les empoisonnements étaient une méthode d'action discrète en quelque sorte. Vous le disiez, on ne se rendait pas compte qu'on allait être empoisonné ou qu'on était empoisonné. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, au XXe siècle, la biologie moléculaire, la chimie, nous ont appris comment réagir et quelles étaient en fait ces substances. Je pensais au cas patient-sien de Litvinenko, de Sacha Litvinenko, en 2006, où les médecins ont mis à peu près une quinzaine de jours avant de se rendre compte qu'il était vraiment empoisonné. Ce que Litvinenko, donc ancien dissident russe, a dit très vite, parce que étant formé dans la bonne école du KGB, il avait appris quels étaient les symptômes de certains poisons. Il était empoisonné par l'isotope radioactif. Ce qui est plus difficile à détecter, vraisemblablement, parce que moins fréquent, hein, c'est une substance radioactive, hein, le polonium en 210, question, oui. 210. Alors que donc ces gaz ou ces substances neurotoxiques qui font partie de la famille des organophosphorés, on trouve également, d'ailleurs, des insecticides qui ont exactement les mêmes propriétés, hein. Mais bien sûr pas utilisés au même dans les mêmes quantités et pas chez l'homme, bien évidemment. Mais n'empêche que on connaît depuis longtemps ce type d'effet et ça n'est pas tellement étonnant étant donné les symptômes qu'on est trouvé assez vite là. Et on entend à l'adage que c'est la dose qui fait le poison de Paracelse mais d'Hippocrate avant lui. On va voir aujourd'hui et on entendra tout à l'heure dans un reportage vers 16h30 que aujourd'hui c'est peut-être la réaction et que la toxicologie moderne, c'est le temps qui empêche le poison et qu'il faut réagir vite, ce qui n'a pas été effectivement le cas en l'occurrence pour Litvinenko ou pour cet ex-espion russe. Est-ce qu'on peut dire peut-être, avant de se pencher sur la nature des poisons et même sur la nature du mot poison, on va voir que l'étymologie est assez passionnante, pour dire, comme vous l'expliquez assez bien dans votre livre Eric Bien-Louès, que finalement l'histoire de l'humanité n'est qu'une grande histoire d'empoisonnement depuis le début. Oui, alors peut-être pas tout à fait depuis le début, mais on peut penser que l'homme qui était extrêmement observateur de ce qui se passait dans la nature, parce que sa survie en dépendait, a pu se rendre compte que certaines substances étaient mortelles. Alors il y a une légende qui est racontée à propos du curare. Évidemment, c'est une légende, mais on raconte que il y a très très très longtemps, un chasseur voit un rapace en train de griffer l'écorce d'une liane, et puis ensuite se précipiter vers sa proie, et la proie est immobilisée, paralysée, ce qui donne l'idée au chasseur de gratter la pointe de sa flèche sur la fameuse liane, et il se rend compte que là, il dispose d'une arme absolument efficace pour chasser. Alors, revenons, si vous le voulez bien, justement, à ce mot poison. On utilise le mot poison, mais on utilise aussi le mot venin, on utilise aussi le mot toxique, et toutes ces étymologies, Eric Bien-Louès, sont assez intéressantes à exploiter parce que très vite, elles donnent toute l'ambivalence de ces substances. Alors, en tout cas, le terme de poison, qui vient d'un mot latin, potionem, qui désignait, en fait, à l'origine, un breuvage qui pouvait aussi bien avoir des effets délétères, négatifs pour la santé, mais qui pouvait également être un remède. Et donc on a très tôt cette idée que le poison n'est pas que négatif à certaines doses, dans certaines conditions. Il peut être utilisé comme un remède, ce qui sera le cas pendant longtemps de l'arsenic, du mercure contre la syphilis, avec quand même des effets secondaires. Mais et beaucoup d'autres, d'autres substances qui sont des poisons violents et qui, quand on les utilise à la bonne dose, dans certaines pathologies, sont des médicaments. On a des quantités d'exemples et donc dans l'exposition. Exposition Vénénum, d'ailleurs, il y a toute une partie de l'exposition qui traite de cette utilisation des poisons pour leurs propriétés pharmacologiques. Et ça, c'est parti de l'observation, de l'observation de ces effets il y a bien longtemps, de la pratique de la médecine traditionnelle, et puis ensuite une exploitation industrielle et surtout pharmacologique d'une meilleure connaissance justement de ces propriétés au niveau de l'organisme qui a conduit aux médicaments. Et d'ailleurs, pharmacone, étymologiquement, là aussi, c'est le remède. Chez Hélène de Troie ou le poison chez Circé. Voilà, c'est ça. Et puis la toxicologie, toxicone, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le poison pour la pointe de flèche. Donc ça nous renvoie évidemment aux origines. Et là, Franceline citait effectivement ces molécules qui peuvent être utilisées comme médicaments. Alors il y a la digitaline, qui est une plante extrêmement courante contre la goutte, la colchicine, de la colchique, la fameuse anticancéreuse de l'IF. Il y en a tout un tas. Taxol, Taxotère, qui provient de l'IF et qui est un des médicaments les anticancéreux contre le cancer du sein en particulier, parmi les plus efficaces, et qui est un poison violent qu'on connaît depuis longtemps. Et venenum, pour terminer sur cette partie étymologique, venenum qui désigne là aussi la potion médicinale à l'origine. Voilà, c'est ça. Donc on a bien, dès le début, cette ambivalence. Le poison n'est pas que quelque chose de négatif. Alors, on le dit, hein, l'autre, ce que je l'évoquais à l'instant, idée qui est liée très forte au poison depuis Hippocrate jusqu'à Paracelse, c'est la question de la dose. C'est ce que vous dites à l'instant, c'est-à-dire qu'à certaines doses, à des doses parfois microscopiques ou au contraire à des doses plus importantes, eh bien on se retrouve soit avec un médicament, soit avec une formule à vocation médicinale, soit au contraire avec un produit toxique. C'est la dose. Est-ce que c'est toujours encore la dose qui fait le poison, Francine Marano? Eh bien, en fait, il y a une remise en question. Hein, et c'est surtout à travers la problématique sur les perturbateurs endocriniens qu'on a fait cette remise en question. Mais c'est plus ancien encore, puisqu'on parlait d'hormésis, par exemple. C'est-à-dire qu'à des doses faibles, un même produit chimique peut avoir un effet bénéfique et à des doses plus fortes, un effet négatif. Mais donc effectivement, pendant très longtemps et surtout après, donc quand on a voulu évaluer la toxicité des produits chimiques, c'est au XXe siècle et surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, on considérait la relation dose-effet. Alors, donc la majorité des réglementations actuellement sont basées là-dessus. C'est-à-dire qu'on détermine des doses sans effet, on va largement en dessous selon les produits chimiques qu'on étudie et on autorise donc leur utilisation en fonction de ça. Donc toute la construction des normes au XXe siècle s'est fait sur cette base-là, jusqu'à la découverte et la prise de conscience que à des doses très faibles, eh bien, on pouvait avoir d'autres effets toxiques, pas bénéfiques comme dans l'hormésis, mais toxiques. Et c'est toute la problématique sur les perturbateurs endocriniens qui est mise en avant de façon très importante actuellement, puisque, eh bien, ils échappent pour le moment à la réglementation telle qu'elle est dans toutes les normes internationales. Et on en reparlera tout à l'heure, à la fin de cette émission, de ces nouveaux poisons, de cet empoisonnement à bas bruit dont nous serions tous plus ou moins les victimes. Un mot peut-être aussi sur cette question de la dose qui a été très très longtemps le pivot en fait de la notion autour de la notion de poison-potion, de savoir à quel moment on passe de l'un à l'autre et qui effectivement, comme vient de le dire Francine Marano, assez remise en question aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que dans l'histoire, on a toujours cette question de... Enfin, les gens se sont bien rendus compte qu'il y avait cette idée de dose. Je pense par exemple à l'histoire des paysans de Styrie, c'est une région montagneuse de l'Autriche, et au milieu du 19e siècle, il y a un médecin qui se rend compte que les paysans ont une pratique assez particulière, ils vont mettre des cristaux d'arsenic, mais dans des doses qu'ils connaissent très bien, sur leur nourriture, sur leurs aliments, comme s'ils salaient finalement le contenu de leur assiette. Et ces paysans, ils déclarent qu'ils se sentent en pleine forme, qu'ils ont une grande vigueur sexuelle. D'ailleurs, je crois que arsenikon en grec veut dire la mâle puissance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans une région où il y a une activité d'extraction de métaux et de fonderie de métaux. Et il y a des particules, enfin des cristaux d'arsenic qui se déposent à l'intérieur des cheminées, des installations industrielle entre guillemets, et donc les paysans s'étaient rendu compte que à certaines doses bien particulières, bien précises, eh bien ils pouvaient avoir, disent-ils, des effets bénéfiques. Ils en donnent même d'ailleurs à leurs chevaux qui sont en pleine forme. On peut dire, messieurs, si vous nous écoutez, n'essayez pas ça. chez vous, c'est un jeu un peu dangereux, puisque tout est question de dose. Alors on va voir que, en fait, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire des poisons, c'est qu'à chaque époque, à chaque usage, son poison, il y a presque en fait autant de poisons que d'usages, que d'époques, que de coutumes, que de traditions dans cette histoire. Oui, on va sophistiquer en fait les poisons. D'ailleurs, au fur et à mesure que l'on détecte de mieux en mieux les poisons, il faut faire preuve d'imagination. C'est-à-dire, on va faire des mélanges. On parlait de la Renaissance tout à l'heure, où on va commencer vraiment à mélanger les poisons végétaux, qui étaient certainement les premiers, les plus utilisés, avec de la bave de crapaud, avec des insectes, des mouches cantharides écrasées, avec des minéraux, de l'arsenic, des minéraux, etc., pour faire des choses qui soient le plus indétectable possible. Et d'ailleurs, à la Renaissance, il y a les empoisonnements du fameux pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, et il y a un poison qui fait fureur, qui est la cantarella, dont on ne sait pas exactement quelle est la composition, mais c'est quelque chose de très, d'assez sophistiqué, enfin c'est un mélange. Francine Marano, sur cette individualisation de l'utilisation, sur ce raffinement au fur et à mesure de la découverte de différents poisons, et sur chaque poison finalement son époque et son usage. C'est sûr qu'il y avait, donc il y a eu ce perfectionnement, si on peut dire, mais dès la préhistoire, il y avait une connaissance, c'est ce qu'on a vu, hein, une connaissance de ces poisons, et ils ont dû être utilisés non seulement en tant que carmes pour imbiber des extrémités de flèches. En particulier, on trouve sur certaines pointes de silex, hein, des rainures qui laissent penser qu'il y a eu une imprégnation qui se faisait donc dès la préhistoire. Hein. Bien sûr, on n'a pas de preuves là exactes de cette utilisation, mais ensuite, dans la période antique, dans des textes anciens, on a parlé d'Hippocrate, mais les Égyptiens, les Chinois aussi, avaient des listes de substances qui étaient des poisons, qu'ils devaient utiliser sans doute également, mais qu'ils aussi percevaient, dans certains cas, comme des médicaments. Donc, il y avait déjà une connaissance empirique, hein. C'est ça qui a fait la différence avec le XXe siècle, où c'est devenu une connaissance scientifique, hein, à partir de toutes ces données, il y avait une connaissance très précise des effets de ces extraits, pas seulement végétaux, mais aussi animaux, hein, parce qu'il y a beaucoup d'animaux terrestres. On a les mouches cantharides, mais il y a aussi les petites grenouilles sont aussi toxiques. On sait d'ailleurs que toujours actuellement, dans certaines tribus de l'Amazone, on utilise ces petites grenouilles qui sont de très jolies couleurs. On les trouve au jardin jardin des plantes ou aux eaux de Vincennes, on les voit. Dans l'exposition Vénénum aussi, on a cette présentation. Il suffisait de frotter leur peau. Mmh. Et ensuite, la pointe de flèche était empoisonnée. Mmh. On va revenir un peu sur différentes époques et sur ces différents usages des poisons. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure cette introduction, qu'il y a un poison qui serait le poison le plus toxique de tous? Est-ce qu'on peut quantifier ça, à votre avis, Éric Birloez? Le curare, c'est pas mal. Hein. Oui, ça va le curare, c'est pas mal. On parlait, moi j'avais lu en tout cas que le poison qui est sur la peau d'une petite grenouille bleue de Colombie peut, ce qu'il y a sur la peau de cette petite grenouille qui n'est pas grosse, peut suffire à tuer 100 personnes, ce qui est énorme. Il y a le taipan du désert également, un serpent d'Australie qui est extrêmement, dont le venin est extrêmement toxique. J'ai lu que peut-être que la toxine botulique était, en termes de concentration, l'un des poisons les plus puissants. Francine Marano. C'est vrai qu'on a tendance, quand on parle de poisons, d'oublier les poisons qui viennent des micro-organismes. Or, c'est sans doute les organismes qui en fabriquent le plus. Hein. Alors, il y a bien sûr les bactéries. Certaines bactéries. C'est le cas pour la toxine botulique. Mais il y en a bien d'autres. Effectivement. Mais vous avez également des champignons. Qui fabriquent des toxines qui sont extrêmement dangereuses. Alors, pas toujours immédiatement, ça peut être sur le plus long terme. Par exemple, l'aflatoxine qui provoque des cancers du foie et donc est extrêmement dangereuse. Et puis, vous avez ces toxines qui sont fabriquées par des algues unicellulaires, du plancton, qui provoquent des maladies. Alors, ce n'est pas des empoisonnements immédiats, mais ça peut être aussi très, très handicapant. Par exemple, la ciguatera, qui est une toxine qui s'accumule dans les poissons des mers tropicales. On vient de vous mettre la photo de cette très jolie petite grenouille bleue absolument vénéneuse sur le fil Twitter de l'émission. Un mot, sur cette toxine botulique, Éric Birloez. J'ai lu qu'effectivement, en termes de concentration, en fait, c'était la toxine prétendument le poison le plus toxique. En tout cas, pour l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'appelle toxine botulique ou botulinique. Ça vient d'un mot latin, on faisait tout à l'heure de la sémantique. Botulus, ça veut dire le boudin. Il y a eu au début du XVIIIe siècle, en 1705, une grande épidémie en Allemagne, dans une ville allemande, liée à la consommation de boudin. Et on n'a su qu'après, évidemment, que c'était la toxine sécrétée par cette bactérie. Il y a aussi l'ergot de seigle, champignon. Oui, bien sûr. Fameux. On parlait tout à l'heure de l'ergot de seigle. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Oui, tremblez si vous nous écoutez à 16h20, ou au contraire, prenez des notes, puisque nous parlons de poisons et d'histoire des poisons, ben, différents voisinages, des enfants un peu récalcitrants. Vous allez voir que les poisons ne tuent pas forcément, ils peuvent immobiliser, et parfois c'est suffisant pour régler des problèmes à courte échéance. Nous en parlons avec Franceline Marano et Éric Birlouez. Alors, pour dérouler, alors vous avez déjà raconté tout à l'heure, Franceline Marano, cette préhistoire des poisons et la suspicion que l'on a, on imagine effectivement... On trouve chez Homo sapiens, peut-être même d'ailleurs chez Néandertal, des pointes de flèches rainurées, oui, qui supposeraient l'utilisation de poisons pour la chasse, donc de poisons qui ne sont peut-être pas immédiatement mortels, de poisons qui sont des poisons paralysants. Oui. On suppose le curare, Éric Birlouez, qui serait peut-être le plus ancien poison maîtrisé par l'homme. Oui, alors je ne sais pas si c'est le plus ancien, mais effectivement, c'est un poison qui est encore aujourd'hui très utilisé. Là encore, on retrouve l'effet bénéfique du curare quand on l'utilise dans les anesthésies. Sauf que Jean-Pierre Chevènement, il y a bien peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, avait fait un choc au curare. Mais vous voyez, on a aussi, encore une fois, cette utilisation. Donc le curare utilisé depuis très longtemps, notamment dans la forêt amazonienne, qui en réalité n'est pas un poison isolé, mais plutôt un mélange de différents végétaux, différentes lianes, et puis le technique de préparation très sophistiquée. On en trouve autant en Amérique du Sud qu'en Asie, oui, d'ailleurs, voilà, sous la dénomination curare. Qui immobilise en fait, qui paralyse l'animal qui est chassé. C'est un poison neuromusculaire, oui. Oui, on connaît très bien d'ailleurs son mécanisme d'action. Hein. Qui est ? Bien, en fait, ça agit sur la contraction musculaire. Comme tout à l'heure, on disait que les gaz toxiques utilisés pendant les guerres et encore plus récemment, donc agissent sur la transmission nerveuse. Là, c'est sur la contraction musculaire en bloquant. La contraction. Puisqu'on parlait de la dose, ce qui est intéressant sur ces premiers poisons qui ont pour but avant tout la chasse, c'est comment est-ce qu'on en arrive à connaître, ou comment est-ce que ces premiers êtres humains arrivent à doser pour que la viande chassée ne devienne pas elle-même toxique pour la consommation. Dans le cas du curare, on peut tout à fait, sinon ça n'aurait aucun intérêt, on peut évidemment tout à fait consommer l'animal qui a été empoisonné par le curare, parce que la viande ne va pas être contaminée. C'est vraiment essai, erreur, observation, comme on le disait tout à l'heure, de manière très empirique. Et pendant des milliers et des milliers d'années, les gens ont observé, ont fait des expériences, comme on le fait aujourd'hui, et puis ont essayé d'en tirer des conclusions pour arriver à déterminer quelle était la dose qui était appropriée. Et on parlait tout à l'heure de la frontière très ténue entre poison et potion, entre toxique et médecine. Sur ces premiers poisons, on pense également très tôt à des poisons non létaux, mais avec des effets psychoactifs. Franceline Marano, utilisé par des chamans, pour des cérémonies aussi, peut-être pour, on n'en est pas encore tout à fait sûr, mais c'est le sens de ma question, pour procéder aux premiers actes médicaux, comme anesthésiant justement, pour pouvoir éventuellement opérer, soigner, trancher. Oui, c'est sûrement. Là, il y a aussi toute une historique de cette connaissance très ancienne de l'utilisation de poisons. Bon, on a beaucoup utilisé aussi l'alcool pour faire en sorte. C'est un poison donc, neurotoxique. Neurotoxique, en quantité, pour pouvoir faire opérer, par exemple, sur des scènes de guerre. On n'avait pas grand-chose d'autre. Mais bien sûr, il y a eu cette connaissance et qui continue à se transmettre dans certaines régions via les chamans justement et les hommes médecine, et que l'industrie pharmaceutique essaie de décrypter à travers des campagnes. Donc il y a tout ce qu'on appelle la pharmaco-ethnologie, où on va chercher à comprendre les utilisations donc empiriques et traditionnelles d'un certain nombre de plantes, pour ensuite pouvoir utiliser en tant que médicaments. Et certaines d'entre elles sont extrêmement toxiques. C'est le cas d'ailleurs des médicaments anticancéreux qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont devenus médicaments à partir d'études qui ont été réalisées sur des territoires où on les utilisait depuis très très longtemps, mais à partir de potions. Éric Berlouez. Oui, il y a, on parlait effectivement des effets psychotropes, hallucinogènes. Il y a des plantes comme le datura, comme la belladone, qui sont vraiment connues pour avoir ces effets et qui pouvaient donner le sentiment, la sensation de voler dans les airs quand on en consommait, ou d'être la lycanthropie. On a le sentiment de devenir un loup. Ça, c'est des choses qui ont été attestées après la consommation de belladone depuis des temps déjà anciens. Peut-être un mot aussi pour... Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le plus ancien poison utilisé par l'être humain? Est-ce que finalement le plus ancien poison c'est l'alcool? Éric Berlouez. Ah, l'alcool c'est sans doute très ancien. On pense que l'alcool le plus ancien, ça n'est certainement pas le vin, ni même la bière, qui est plus ancienne parce que plus simple à fabriquer. Peut-être l'hydromel, le miel sauvage qui va être humecté, humidifié par les pluies et qui va se mettre à fermenter. Et là les gens ils se rendent compte qu'effectivement ça peut mettre dans un état de grande... Et c'est pas tout à fait mortel, ou alors il faut atteindre des doses très élevées. Avançons un peu dans le temps, arrivons à l'Antiquité, où d'un seul coup, bien les poisons deviennent monnaie commune, entre guillemets. Ils sont disponibles, ils sont en vente libre chez les pharmacopoles, les ancêtres de nos pharmacies modernes. Oui, c'est pas du tout réglementé. Alors en tout cas, en Occident, on connaît l'affaire des poisons sous Louis XIV, c'est beaucoup plus ancien, c'est au XVIIe, à la fin du XVIIe siècle. Et là, restons dans l'Antiquité. Pour la première fois, oui, mais on réglemente. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, comme vous le disiez, les poisons sont en vente libre. Toutes ces substances, ces drogues sont accessibles à tout le monde. Alors, dans l'Antiquité, évidemment, peut-être spontanément, on va penser au poison d'État qui est l'acigu que Socrate est contraint d'ingérer. Il y a des empereurs romains et des impératrices d'ailleurs aussi qui ne vont pas hésiter à utiliser le poison, Cléopâtre également, elle est toujours dans l'Antiquité, dont on dit, là on n'en est pas sûr, qu'elle se serait empoisonnée. Donc là c'est un autre usage du poison comme arme de suicide. Mmh. Donc, avec des aspics, la légende de Cléopâtre. Voilà, et on dit, là encore, ça c'est certainement une légende, qu'elle aurait testé sur des esclaves l'effet du poison, de différents poisons, parce qu'elle ne voulait pas trop souffrir, ni même être défigurée par les horribles convulsions que le poison pouvait provoquer. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. Hippocrate. Exactement. C'est dans le serment d'Hippocrate. C'est dans le serment d'Hippocrate. Ça montre bien qu'on avait tout à fait conscience que l'on pouvait, qu'il pouvait y avoir des pressions, qu'on pouvait forcer un petit peu la main du médecin pour peut-être l'aider à faire disparaître quelqu'un dont on voulait capter l'héritage. Mais quels sont les usages justement des poisons dans l'Antiquité? On a longuement évoqué le lien ce lien extrêmement ténu avec la pharmacopée. Si ces poisons sont en vente libre, ça veut dire que on s'assassine à tour de bras. Ça veut dire que le voisin qui nous embête. Oui, alors ça, on ne sait pas. C'est un peu difficile de savoir. En tout cas, c'était beaucoup plus aisé, sans doute à cette époque, d'utiliser des plantes pour se débarrasser d'un rival, d'un ennemi. Toucher l'héritage, etc., etc. À quel moment arrive Franceline Marano la notion d'antidote? C'est-à-dire que puisqu'on utilise des poisons aussi facilement, eh bien, il faut pouvoir s'en prémunir. Je ne saurais pas le dire de façon précise, mais vraisemblablement, dès le Moyen-Âge, on a commencé à rechercher, dès la Renaissance, on a commencé à en chercher. Les médecins qui avaient conscience de la signification de ces empoisonnements, quand ils ont commencé à comprendre pourquoi ils empoisonnaient, il fallait quand même avoir une petite notion de physiologie humaine pour pouvoir aller jusqu'à la recherche d'antidotes. Eh bien, ont certainement justement développé ces recherches d'antidotes. Mais c'est surtout au XXe siècle, avec effectivement la science, le développement scientifique et de la compréhension des mécanismes d'action, qui a conduit à la recherche de ces antidotes. On voit bien cela avec tout le travail qui a été fait sur les poisons, enfin disons les venins de serpent, où on a des antidotes qui ont été fabriqués à partir de la connaissance qu'on a de la molécule active dans le venin et de son mode d'action. On a l'antidote qu'il faut utiliser le plus rapidement possible pour éviter ça. Donc c'est un bel exemple, je pense, des avancées de la science au XXe siècle. Il suffit de revoir le début d'Indiana Jones et le Temple maudit pour savoir l'importance de prendre un antidote au bon moment et rapidement. On parle de Mithridate VI, roi d'Anatolie, au 1er siècle avant notre ère. Je pensais à ça. D'ailleurs, il y a le terme de mithridatisation, qui est pas simple à dire. En fait, alors Mithridate, c'était effectivement le roi du Pont, qui était une région dans les alentours de la mer Noire, et dont on dit effectivement, donc il perd une bataille contre l'empereur romain Pompée, et donc il est, mais il a perdu son honneur, il veut se suicider, et ça ne marche pas. Alors on dit, la légende probablement dit, qu'il s'est habitué, par crainte de l'empoisonnement, depuis son plus jeune âge, à consommer des petites doses de poison qui ont eu cet effet, en quelque sorte, de l'immuniser. Bon, ça, je ne crois pas que ça soit très scientifique. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Il y a les antidotes, mais il y a aussi, alors plus en amont, pour détecter, essayer de détecter le poison. Au Moyen-Âge, on fait un grand, même dans l'Antiquité, un grand usage des goutteurs, bien évidemment, mais de tout un tas de produits. La corne de licorne, par exemple, dont on a entendu parler. Bien sûr, la licorne n'existe pas, mais les gens du Moyen-Âge sont persuadés de son existence. Et donc, on va râper de la corne de licorne et on va en mettre une petite pincée dans le verre de vin. Et si le vin bouillonne, alors là, surtout, on ne le boit pas. C'est évidemment la preuve qu'il est empoisonné. Enfin, il y a tout un tas de, voilà, d'épreuves, on appelle ça beaucoup comme ça. De légendes, mais beaucoup de et de folklore autour de ces notions. Mais on va refaire un petit tour par le présent dans un instant. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Le pudding à l'arsenic. Oh oui! Dans un grand bol de strychnine, tel défié de la morphine, fait tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Hein? Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Voilà, yeah. Vous aurez reconnu le pudding à l'arsenic ici du dessin animé Astérix et Cléopâtre, puisque nous parlons de l'histoire des poisons tout au long de cette heure sur France Culture dans la méthode scientifique en compagnie de Franceline Marano, qui est professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'université Paris Diderot, co-auteur avec Robert Barouki et Denise Mirou de Toxique, point d'interrogation, aux éditions Buchet Chastel, et Éric Birlouez, qui est ingénieur agronome et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation, auteur d'une histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs aux éditions Ouest France. Alors avant de reprendre le fil un peu de l'histoire, de cette histoire chronologique des poisons, faisons un crochet par notre présent, parce que outre les empoisonnements spectaculaires comme celui de cet ex-espion russe, des cas d'empoisonnement volontaires ou involontaires sont quotidiens, et c'est le travail des médecins toxicologues, identifier au plus vite le produit toxique pour pouvoir lui appliquer un remède, et c'est l'objet de notre reportage du jour, un reportage où le temps est compté. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et pour comprendre comment on fait de la toxicologie quand la dose ne fait plus systématiquement le poison, je suis allé à la rencontre d'un toxicologue qui œuvre à l'évolution de sa discipline. Il s'agit d'Olivier Laprévotte, qui est professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie de l'université Paris-Descartes. Il est aussi responsable du service de toxicologie biologique et pharmacologique de l'hôpital Lariboisière. Olivier Laprévotte nous décrit comment la chromatographie et la spectrographie de masse sont utilisées aujourd'hui, non seulement dans un contexte de laboratoire de toxicologie expérimentale, mais aussi dans un contexte clinique où, quelle que soit l'intoxication, le temps est toujours compté. Alors avant tout, on développe des méthodes d'extraction et de séparation. Donc on va faire appel systématiquement à ce qu'on appelle la chromatographie, donc des techniques permettant de séparer des molécules en mélange les unes des autres, lesquelles molécules vont être ensuite caractérisées sur un plan de structure pour les identifier par spectrométrie de masse très principalement, qui est vraiment la technique aujourd'hui de loin la plus sensible et spécifique pour détecter ces substances. Alors, la spectrométrie de masse consiste à mesurer le poids moléculaire d'une substance, sachant que n'importe quelle molécule est constituée d'un nombre bien déterminé d'atomes. Chaque atome a une masse particulière, donc quand on fait la somme de tous les constituants d'une molécule, finalement on arrive à une valeur de masse qui est caractéristique de cette substance. Alors il se peut que les substances aient exactement la même masse, parce que la même composition atomique, je dirais, mais éventuellement ces atomes sont arrangés entre eux différemment. Donc à ce moment-là, on va utiliser la fragmentation, on va casser en quelque sorte la molécule en petits bouts, et on va peser la masse des petits bouts qui seront caractéristiques de l'arrangement des atomes entre eux. Donc c'est assez subtil, hein, c'est pas que la masse, mais c'est aussi la façon dont les différents éléments d'une molécule sont agencés entre eux. Et tout ceci, on peut le caractériser facilement par spectrométrie de masse. Alors comment vous introduisez cette méthode-là, par exemple, dans votre pratique de médecin à l'hôpital et de responsable du chef de toxicologie biologique de Lariboisière ? Alors à l'hôpital, le problème est crucial en la matière, puisque nous recevons à Lariboisière des patients qui principalement sont des patients intoxiqués graves, donc qui présentent généralement l'une des trois détresses, neurologique, respiratoire ou cardiaque. Et ces patients, il faut pouvoir établir très rapidement un diagnostic quant aux toxiques qui ont été responsables de la pathologie, et ceci dans un délai classiquement de moins de 2 heures en garde, la nuit, etc. Et ça veut dire tout simplement qu'en prélevant le plasma du patient, si on peut le faire, on peut le faire dans la plupart des cas, eh bien on va rechercher dans ce plasma des substances qui sont étrangères à l'organisme, que l'on va supposer donc être les toxiques responsables, ce qui veut dire évidemment, là aussi, faire une chromatographie, et la spectrométrie de masse nous permettra de dire au clinicien, par exemple, ce patient, il a pris tel bêta-bloquant, plus tel benzodiazépine, plus tel hypnotique, et voilà l'information que l'on va délivrer, à charge pour le clinicien de déduire les meilleurs protocoles de prise en charge du patient. On n'a pas le droit de se tromper de substance, parce qu'il y a des antidotes éventuellement qui peuvent être utilisés, donc si on se trompe, le traitement sera sans effet, et puis il faut être extrêmement rapide, bien sûr. Voilà un peu comment les choses fonctionnent. C'est une articulation très étroite, en fait, entre la médecine et puis, je dirais, la chimie analytique, au fond. Est-ce qu'on peut encore mourir empoisonné aujourd'hui par une substance autre que des substances chimiques ou médicamenteuses ? Alors effectivement, il y a des usages assez particuliers de certaines plantes, par exemple, dans des milieux festifs. Le datura, par exemple, qui est un peu en recrudescence pour un usage dans un contexte festif. C'est un produit naturel, mais c'est un produit qui a une certaine toxicité, et on peut rencontrer des patients comme ça. Il y a aussi les personnes qui ont une fascination pour les nouveaux animaux de compagnie, par exemple. Alors des fois, vous avez des gens qui viennent avec un serpent dans une boîte, qui sont dans un état pas très bon et qui disent « j'ai été mordu par mon serpent, je comprends pas ce qui se passe, etc. » Donc là, c'est un peu difficile en termes de prise en charge. On ne sait pas forcément faire ça. Dans un contexte, je dirais, médico-légal ou forensique, on voit des intoxications criminelles de tout type, avec des substances extrêmement variées. Alors ça peut aller de façon horrible du desktop, hein, jusqu'à des substances éventuellement tout à fait extraordinaires qui vont être concoctées dans un coin de cuisine. Donc il n'y a pas que le médicament. Cela dit, il faut absolument savoir qu'en termes de toxicologie, ce sont principalement les médicaments qui tuent et de loin. Et parmi ceux-ci, les plus banaux, puisque le paracétamol, c'est le toxique numéro 1 que l'on va rencontrer pour les intoxications graves à l'hôpital. On parlait tout à l'heure d'empoisonnement criminel. Récemment, il y a eu un cas encore en Angleterre avec cet agent double russe qui a été retrouvé avec sa fille inconscient, visiblement empoisonné. Si un tel cas se présente à vous, quel est le protocole et comment on prend en charge ce type de personne qu'on soupçonne d'avoir été empoisonné, mais on ne sait pas avec quel produit, donc ni à quel niveau de sécurité on doit le confiner, etc. Comment ça se passe ? Dans ces contextes-là, on est dans une approche qui est similaire à ce que l'on fait, puisque le laboratoire de Lariboisière est agréé Vigipirate pour l'intoxication chimique, les attentats chimiques. On fait exactement ce que l'on fait lors des exercices classiques. On a, à ce moment-là, toute une série de méthodes analytiques différentes qui nous permettent d'établir des protocoles de recherche en ne sachant pas du tout ce que l'on va trouver, parce que parfois on n'a pas du tout de symptômes. Le dernier exercice en date, par exemple, on nous avait donné de l'eau de vaisselle qui était censée être empoisonnée par un agent quelconque et qui avait provoqué des décès dans un restaurant d'entreprise. Donc, il fallait chercher, toujours pareil, en moins de 2 heures, ce qui avait pu être responsable de cela. Et nous avons effectivement tout un panel de technologies qui nous permettent, par recoupage, par interaction entre les différents résultats, on arrive finalement à converger sur un type de toxique. Et une fois qu'on a une hypothèse sur la substance, on peut très très vite la vérifier par des méthodes analytiques qui sont cette fois-ci ciblées. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est, la toxicologie? Là, on a l'impression qu'il y a une espèce de tournant avec toutes ces méthodes que vous développez. Comment vous avez vu évoluer votre discipline et comment vous pensez qu'elle peut évoluer? Le vrai sujet maintenant en toxicologie médicale, de mon point de vue, ou celui qui doit se développer à l'avenir, est clairement la toxicologie environnementale et toutes les pathologies qui sont liées aux expositions environnementales au sens très large du terme. Exposition domestique à la maison, exposition liée aux pesticides par l'alimentation, etc. Ces intoxications-là, on sait par l'épidémiologie qu'effectivement, elles ont un impact sur la reproduction, la fertilité, l'apparition de certains cancers, de pathologies respiratoires, etc. Ceci, c'est bien démontré. Les causes moléculaires de cela, on les connaît très mal. Donc, il y a effectivement tout un effort qui est fait actuellement pour développer des approches analytiques qui permettront de caractériser ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire à quoi est-on exposé. De mon point de vue, une fois que l'on a fait ça, on est encore au milieu du guet. Et donc maintenant, je pense que le nouveau paradigme en toxicologie analytique est de s'intéresser en parallèle et en même temps aux effets de ces poisons sur l'organisme. Ce qui va être intéressant, c'est pas non seulement de dresser une liste, ce qui va être important, c'est de dire, chez vous, monsieur, effectivement, je constate une perturbation endocrinienne que je peux objectiver par l'analyse de votre plasma, urine, etc., qui me montre qu'il y a telle ou telle substance endogène qui est anormalement élevée ou anormalement basse. Donc je pense qu'à l'avenir, c'est le couple exposome, donc l'exposition et l'effet sur l'organisme, qui va être absolument fondamental en toxicologie. Il va être extrêmement important de sortir du paradigme « la dose fait le poison ». La toxicologie est fondée là-dessus depuis Paracels. On ajoute après « le temps aussi fait le poison ». Maintenant, on n'en est presque plus là. Parce que les effets cocktails en tant que tels, les effets synergistiques ou antagonistes entre les substances sont imprévisibles. Dès lors qu'on a affaire à des dizaines, voire des centaines de substances, on ne sait pas réellement si le total est la somme des produits ou si c'est plutôt une multiplication ou si c'est au contraire une division. Donc on n'en sait rien. Donc on change totalement de façon de voir les choses, raison pour laquelle on ne pourra pas se passer d'une interaction très forte entre l'analyse toxicologique d'une part, la biologie et la médecine d'autre part, et aussi les sciences sociales, l'épidémiologie, les conditions de vie, les niveaux de vie des personnes, etc. Donc c'est un champ qui est tout à fait neuf, qui s'ouvre à nous, dans lequel il faut, à mon avis, investir rapidement, parce que les autorités, mais aussi la population, demandent à avoir des indications sur leur qualité de vie au sens large. Voilà le reportage aujourd'hui sur la toxicologie contemporaine. Je vous voyais tous les deux extrêmement studieux prendre des notes. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Louise? Oui, effectivement, on sait bien que depuis une bonne cinquantaine d'années, il y a des milliers, des centaines de milliers de nouvelles molécules qui ont été créées par l'homme et qui sont dispersées dans l'environnement. Donc c'est avec des effets cocktails, enfin tout ce qui a été dit. Et en même temps, il faut pas oublier qu'il y a toujours des sources d'empoisonnement accidentel avec des éléments, alors là pour le coup, naturels, non créés par l'homme. On a cité tout à l'heure le datura, les nouveaux animaux de compagnie, les médicaments, mais il y a encore des champignons qui tuent quelques personnes chaque année en France. Le saturnisme, qui est encore un vrai problème, notamment dans les logements les plus insalubres, donc le plomb. Au Bangladesh, il y a des dizaines de millions de personnes qui boivent de l'eau contaminée à l'arsenic, élément un peu plus naturel, sauf qu'il se trouve en concentration importante dans l'eau. Donc il y a à la fois les nouvelles molécules qui créent de nouveaux défis pour la recherche et la médecine, et puis des choses qui sont là pour le coup naturelles, mais qui ont parfois des effets délétères. Et puis on peut rappeler par exemple que l'empoisonnement domestique, l'empoisonnement alimentaire était la troisième cause de mortalité en Europe au début du XXe siècle. Donc on s'empoisonnait soi-même à la maison avec de la nourriture viciée, avec... Oui, c'est vrai, c'est certain. Mais je veux rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, il y a les nouvelles molécules qui sont analysées à partir de nouvelles approches, et dont celle qui vient d'être exposée, et aussi avec de nouveaux tests. Il faut des batteries de tests et que la réglementation s'empare de cela. Et à côté de ça, il y a beaucoup de contaminants qui sont des contaminants très anciens. Donc le plomb, hein, depuis l'Antiquité, qui a été, dont on connaissait dès l'Antiquité, la toxicité. Hein. On dit que les Romains ont peut-être régressé et que la disparition de l'Empire romain serait peut-être associée au saturnisme. Et mais qu'on a commencé une baisse de fertilité, les troubles mentaux, les effets sur le QI. On en parle de façon très importante actuellement. On dit que le QI des enfants américains a diminué au cours des dernières années. Alors, est-ce peut-être pas le plomb, d'autres effets, vraisemblablement des perturbateurs endocriniens qui agissent en particulier sur la physiologie de la thyroïde et de l'hypophyse. Mais on voit qu'il y a là aussi des molécules anciennes. Je voudrais Il faut se méfier évidemment de ces études sans les sourcer. Oui. Enfin, voilà, il faut être très prudent en manipulant ce genre d'informations puisque le QI lui-même étant une forme de, voilà, mesure. Alors les mélanges, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Olivier à la prévote, hein. Mais les mélanges contiennent en particulier des substances qui sont des substances qui existent depuis longtemps. Alors je pense au mercure aussi. Il y a une vraie problématique sur le mercure, en particulier en Guyane, où les femmes enceintes en Guyane sont contaminées fortement par le mercure. Donc il y a les poisons nouveaux et il y a les poisons anciens qu'il ne faut surtout pas oublier également. On est sorti ce qu'on disait, hein, pour reprendre un peu le fil de cette histoire. Au XXe siècle, on est sorti de l'image de l'empoisonneuse ou de l'empoisonneur individuel pour passer à une autre échelle. Alors, il y a bien sûr eu, évidemment, le développement des gaz de combat dont on a parlé en tout début d'émission. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas passé de l'industrie qui remplace, en fait, le petit empoisonneur solitaire ? Aujourd'hui, nous sommes tous bas bruit, à faible niveau, empoisonnés par un certain nombre de substances à notre insu que nous respirons, que nous consommons. Qu'en pensez-vous, Francine Marano ? Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est vraiment une des problématiques les plus importantes en santé publique. C'est celle qu'on appelle donc la problématique santé-environnement, santé environnementale, qui préoccupe aussi pas mal les politiques. Il y a la question des contaminants de l'air. L'OMS, à travers des études qui se sont faites au cours des dernières années, a montré que c'était la première cause de mortalité, de surmortalité, donc de mortalité anticipée dans le monde, la pollution atmosphérique. Alors, en Europe et en particulier en France, on n'est pas à un niveau tel que ça va créer un empoisonnement, bien évidemment, mais sur le long terme, l'accumulation, cette pollution chronique, conduit à des pathologies comme l'asthme, la bronchite chronique, enfin l'exacerbation de l'asthme, la bronchite chronique, les maladies cardiovasculaires, et actuellement, on considère que ça peut avoir des effets sur le cerveau et même sur le fœtus. Donc, vous voyez, ça montre que en fait on baigne effectivement dans un environnement où il y a cette problématique. Et une étude toute récente, hein, puisqu'on en parlera demain dans le Journal des Sciences, vient de montrer que un décès anticipé sur 6 serait dû au plomb aux États-Unis. Oui, donc absolument. Comme quoi, voilà, on l'évoquait là, le saturnisme. Éric Birloise quelques instants. Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que on a vu, enfin, dans la grande majorité des pays, une disparition des maladies infectieuses, mais remplacée par des pathologies chroniques. Alors, il y a les maladies chroniques liées à l'alimentation, et puis celles qui sont liées, effectivement, à l'environnement. Et là, on voit bien encore un changement polysémique du poison, puisque si on parle effectivement de ces maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, finalement, eh bien, le poison n'est plus nocif au sens mortel du terme, mais c'est l'alimentation trop riche en sucre, trop riche en sel, trop riche en matière. Et l'accumulation, jour après jour, semaine et mois après mois. On arrive au terme de cette émission pour reprendre finalement le fil et l'acception première du poison comme cette substance mortelle qu'on administre avec une intention malveillante à quelqu'un. Je vais vous demander, Eric Birloise, ce que vous pensez, quel est le cas d'empoisonnement, vous qui avez écrit cette histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, quelle est votre histoire d'empoisonnement préférée? Quelle est celle que vous trouvez la plus retorse, la plus savoureuse? Ah ben alors, retorse, il y en a une qui me vient à l'esprit. On raconte que le pape Alexandre VI, que l'on évoquait tout à l'heure, hein, le pape Rodrigo Borgia, eh bien, il était extrêmement perfide. Et par exemple, lorsqu'il voulait empoisonner un cardinal, parce qu'il pouvait évidemment hériter en tant que pape, des richesses de ce cardinal, il pouvait lui demander, par exemple, de l'aider à ouvrir une petite cassette. Alors, il lui remettait une clé, et cette clé, elle avait une petite pointe qui était empoisonnée. Et donc, la serrure était un peu difficile, il fallait forcer pour tourner la clé. Et à ce moment-là, on s'égratignait la peau et le poison faisait son effet. Beaucoup d'imagination et de créativité. Francine Marano, vous avez une histoire d'empoisonnement favorite? C'est l'histoire de cette Bretonne qui, donc au 19e siècle, au début du 20e siècle, je ne me souviens plus exactement quand, mettait dans les gâteaux qu'elle fabriquait très très bien, donc un petit peu, je crois que c'était de l'arsenic, de l'arsenic, elle saupoudrait un peu d'arsenic, et puis, donc en fait, elle était serial killer. Elle en a tué sans doute des quantités. Et c'était uniquement parce qu'on lui avait fait une remarque qui ne lui plaisait pas. Donc, il n'y avait pas de raison précise pour entraîner cela. Et elle passait comme ça d'une maison à l'autre. On la considérait comme une excellente cuisinière, ce qu'elle était. Simplement, ses gâteaux, quand on n'était pas contente de... Enfin, quand elle n'était pas contente de ses patrons ou de toute autre personne, ils étaient empoisonnés. On dit, Éric Birlouès, que le poison est effectivement une arme plutôt féminine que masculine, qui préfère des armes plus violentes comme les armes à feu et les armes blanches, c'est vrai? Oui, alors c'est vrai que dans l'histoire, on a surtout parlé des empoisonneuses. Est-ce que ça correspondait vraiment à une réalité? Il y avait également des alchimistes, il y avait quand même des sorciers, des gens qui faisaient tout, des hommes qui faisaient tout un tas de choses avec les poisons. Mais peut-être qu'on a trouvé que c'était plus féminin parce que effectivement, c'est pas le crime violent, sanglant. D'ailleurs, on dit, juste pour terminer là-dessus, que je parlais du pape Borgia, que son fils, le fameux César Borgia, qui n'était pas moins cruel que son père, répugnait lui à l'usage du poison. Il préférait directement enfoncer son épée dans le ventre de son ennemi. Il trouvait ça plus viril. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette émission sur les poisons, puisque à 16h51, eh bien, comme chaque jeudi, c'est l'heure de retrouver la bibliothèque des sciences, les grands ouvrages scientifiques qui ont marqué cette histoire des sciences. Et aujourd'hui, c'est Ami Dahan qui parle d'un ouvrage important d'Alain Desrosières, La politique des grands nombres. La bibliothèque des sciences. Il s'agit de Alain Desrosières, La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique. C'est un ouvrage qui est paru à La Découverte en 1993. Alors d'abord, qui est Alain Desrosières? C'est quelqu'un qui, après des études à l'École polytechnique, est entré à l'INSEE, à l'Institut national des statistiques et des études économiques. Mais en même temps, il est devenu un acteur majeur d'une certaine génération intellectuelle, celle qui est immédiatement postérieure d'une dizaine d'années à celle de Bourdieu, Foucault ou Deleuze. Le jeune Desrosières a été élève et collaborateur de Bourdieu. Génération à laquelle appartiennent, à 2-3 ans près ou 5 ans, Latour, Calon, Boltanski et les économistes des conventions. Donc, voilà, tous les jours, l'INSEE doit produire des chiffres, des statistiques sur le chômage, l'inflation, la croissance, etc. Et c'est l'exigence de distance par rapport à sa pratique professionnelle, son insertion professionnelle, sa vigilance politique aussi, parce que c'était quelqu'un d'assez engagé, qui ont conduit Alain Desrosières, au fil des années, à une position de chercheur critique et particulièrement inventif. Et qui a été vraiment, on peut dire, fondateur d'un champ disciplinaire intellectuel qui est celui de la socio-histoire de la quantification et des statistiques. Et donc, oui, la question qui se pose, c'est vraiment le chômage, est-ce que les statistiques mentent? Quel est le vrai chiffre du chômage? Comment est-ce qu'on peut débattre de ces questions? Pour cela, il va donc mettre à plat la construction de tous ces éléments par la statistique publique. L'ouvrage sur la politique des grands nombres, c'est un ouvrage qui est devenu vraiment un classique. Et donc, le livre porte sur la période qui va du XVIIe à la moitié du XXe siècle. Et c'est ce que dit Alain Desrosières, c'est qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de commun en statistique. Pourquoi des choses comme les routines administratives de l'État et pour décrire la population, pour catégoriser les gens, etc. Le calcul des probabilités qui, lui, a commencé plus sur des questions de rationalité des choix en situation d'incertitude. Les jeux de dés, les paris, les trucs comme ça, qui est né à la fin du XVIIe siècle, avec Pascal, Huygens et d'autres, ou bien l'estimation des constantes physiques, la théorie des erreurs, justement, des astronomes. Eh bien, pourquoi c'est toutes ces choses qui, a priori, sont très éloignées les unes des autres, qu'est-ce qu'elles ont de commun? Et finalement, son livre, c'est une histoire, et en même temps une socio-histoire, parce qu'il est très très attentif aux contextes sociaux dans lesquels ces grandes évolutions ont lieu. C'est trois généalogies, si on peut dire, donc les pratiques administratives et l'État, le calcul des probabilités, la théorie des erreurs, toutes ces choses vont confluer, se retraduire, se recombiner entre elles, et donner, si vous voulez, cette histoire. Dans son architecture actuelle, la statistique se présente comme la combinaison de deux types d'outillages distincts, dont les trajectoires historiques n'ont convergé et conduit à une construction robuste que vers le milieu du XXe siècle. Le premier est politico-administratif. Peu à peu se sont mis en place, depuis le XVIIIe siècle, des systèmes d'enregistrement, de codage, de tabulation et de publication de statistiques, au sens de descriptions chiffrées de divers aspects du monde social. Le second est cognitif et implique la mise en forme de schèmes scientifiques, moyenne, dispersion, corrélation, échantillonnage probabiliste, destinés à résumer, notamment par les outils mathématiques, une diversité supposée non maîtrisable. De cette double origine historique subsiste le fait que, selon les contextes, le mot statistique a des connotations différentes. Tantôt résultats et descriptions quantifiées, tantôt méthode, formalisme mathématique et mode de raisonnement. C'est ce double cheminement qu'il faut suggérer pour comprendre comment a pu se mettre en place un espace cognitif d'équivalence et de comparabilité construit à des fins pratiques. Ces fins et les moyens ad hoc font l'objet de jugements et de débats publics qui peuvent s'appuyer sur des comparaisons. Vous avez donc des chapitres aussi dans son livre sur les techniques de sondage, sur l'économétrie, mais ce qui est très important de montrer, c'est que la description que donne la statistique du monde social, elle n'est pas arbitraire, au contraire, c'est pas un simple artefact, mais elle ne vaut que par la consistance, la cohérence qu'elle donne aux objets par le moyen des enquêtes. C'est pour ça que là, il y a deux formes d'autorité distinctes de ces objets et de ces concepts. C'est celle de la science, évidemment, et celle de l'État. Et ça, et c'est pour ça que lui, il a ces deux piliers, et il les fait interagir. Et c'est très important de comprendre que ce n'est pas simplement de la science, parce qu'il y avait d'autres livres d'histoire, des statistiques et des probabilités, qui étaient des livres purement internalistes, qui ne voyaient que les concepts mathématiques. Or, lui, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui va s'interroger sur comment aussi les pratiques sociales et l'État confèrent une autorité aux catégories statistiques et comment elles sont construites. Et donc ce livre est vraiment une première. Voilà, c'était la Bibliothèque des sciences d'Amidaan, que vous pouvez retrouver, comme toutes les autres bibliothèques des sciences, sur franceculture.fr. Merci à Francine Marano, à nos invités du jour, Éric Birloez, Francis Marano avec Robert Barouki et Denise Miroux, auteur de Toxique chez Buchet-Chastel, Éric Birloez, auteur d'une histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs aux éditions Ouest France. Et puis vous pouvez toujours vous rendre jusqu'au 13 avril à l'exposition Vénénoum, un monde empoisonné au musée des Confluences à Lyon. Et puis n'oubliez pas de passer dans votre librairie du coin pour vous procurer le numéro 24 de la revue papier de France Culture, avec en une pour ce nouveau numéro Animaux si proches, trop proches, avec entre autres des comptes rendus, une partie des comptes rendus des forums de la Sorbonne consacrés justement à la question animale que nous avions tenue au début de l'année. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfrand, Céline Lozen, Sarah Igemans, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la technique, Inès de Bruyne, Elisabeth Miro à la réalisation, Inès de Bruyne à la technique.